Chapitre deuxième. Telle qu'elle est, pour sa beauté, pour sa hardiesse, pour ses défauts comme pour ses qualités, pour son rire d'enfant comme pour ses excentriques témérités d'Ondine et d'Amazone, Suzanne est aimée passionnément par son cousin Charles de N., beau garçon, intelligent lui aussi et brave, mais un peu sérieux, d'une nature grave et réfléchie, qui contraste étrangement avec l'exubérante nature de sa fiancée. Sa fiancée? Presque, pas tout à fait. Depuis plusieurs mois, la belle Suzanne se laisse aimer sans pouvoir, hésitant encore, se décider à prononcer le oui irrévocable et définitif. Sans doute, elle trouve très bien son cousin Charles, mais trop raisonnable. Elle l'estime beaucoup, l'aime de bonne amitié, et elle sait, malgré la naïveté de ses 18 ans, que pour le dire, ce oui, c'est d'autres façons qu'il faudrait aimer. Charles est très malheureux de cette indécision. Il l'aime tant. C'est le bonheur de sa vie qu'elle tient en suspens, cette indifférente petite cousine. Indifférente? Moins qu'il ne le croit. Car il n'a pas deviné qu'elle lui en veut, au fond, ignorante mais désireuse de l'amour, d'être celui qui aime sans avoir su se faire aimer. Il n'a pas su comprendre non plus qu'avec une fille comme Suzanne, l'amour doit être non timide mais audacieux, parler en maître et s'imposer en conquérant. Or, un matin, radieux matin emperlé de rosée, doré du soleil, matin tiède et gai, le plus beau, le plus doux qu'on pût voir, dans son air léger des tournoiements de papillons et des bourdonnements d'abeilles, dans son ciel d'un bleu pâli de hauts et glissements planement d'hirondelles, et tout embaumé du parfum des foins coupés, d'exhalaisons de fleurs amoureuses, des grisantes et vives senteurs de la terre, la toujours féconde, alors que sous les baisers du soleil époux, elle se livre aux joies d'enfantement, ce matin donc, si propice aux tendresses des aveux, Suzanne et Charles, dans le parc, se promenaient. Ils allaient, l'un près de l'autre, d'un pas ralenti. Ils parlaient, elle l'écoutait, plus attentivement peut-être que d'habitude. « Suzanne, douce et tremblante était sa voix, Suzanne, que je vous aime. »« Tant que cela, Charles. » Elle sourit. Mais son sourire ne fut pas railleur. Il semblait, en ce moment, qu'elle ne demanda qu'à se laisser convaincre, et qu'en son cœur s'éveilla un grand désir d'aimer, elle aussi. « Oui, Suzanne, tant que cela, c'est-à-dire autant qu'un homme peut aimer. Ah, si vous vouliez enfin me croire, consentir à être ma femme, ma chère femme, comme je serais heureux, Suzanne, comme je saurais vous faire heureuse. » Les mots ne sont rien. Les sentiments et la conviction sont tout. Rien de plus persuasif que la sincérité. Un peu de tendre pitié s'émut dans l'âme de la jeune fille, et touchée, à soi-même, elle se dit « Pauvre garçon !» Mais en même temps, elle détournait les yeux et Charles, si mal savent lire les hommes dans la pensée des femmes, la crut, comme toujours, indifférente. Alors, découragé, il se tut et intérieurement se désola. Cependant, Suzanne pensait « Pauvre garçon !» Il m'aime vraiment. Oh, si, je l'aime. Oui, maintenant je l'aime. Ne saura-t-il donc pas me forcer à l'avouer? Mais Charles se taisait, et Suzanne, dépitée, lui en voulut de ce silence, car jamais, comme en ce moment, elle n'avait désiré, désir ardent de tout son être, entendre la voix de Charles lui murmurer de doux mots d'amour. Une expression de mécontentement assombrit le visage de la jeune fille. Ses noirs sourcils se rapprochèrent et son regard erra, détaché de celui qui ne savait ni la deviner ni la comprendre. Allait-elle donc, la première, reprendre la parole? Ils étaient arrivés sur le bord de l'étang. Au bas du talus de gazon, très élevé en cet endroit, une fleur d'iris, éclose la nuit, se dressait presque dans l'eau. Suzanne l'aperçut et la lui montrant, la belle fleur. Elle pensait, si pour me l'offrir il va cueillir cette fleur, je parlerai. Je dirais oui. Anxieuse, elle attendait, n'osant regarder Charles, sentant tout à coup que du résultat négatif de l'épreuve, cruellement, aussi cruellement que lui peut-être, elle souffrirait, et malgré cela, bien résolue, esprit singulier et fantasque, à faire de cet incident, une fleur cueillie ou non cueillie, l'irrévocable arrêt de leur double destinée. Charles, les yeux distraits, tout à l'idée de sa tristesse, regarda l'iris et répondit, comme lorsqu'on parle sans s'écouter. Où se trouve cette fleur, il serait dangereux de l'aller cueillir. Oh, sourd, aveugle, maladroit amant! le rire nerveux de Suzanne, rire où pointaient des larmes, rire de colère et de mépris, le ramena du lointain de pensée où s'égarait sa désespérance. « Dangereux, oui, vous avez raison, cousin. L'endroit le plus dangereux de l'étang. 5 mètres d'eau et des herbes. Pourtant, cette fleur, je la veux et je l'aurai. Je vais la prendre. Suzanne !» Déjà, la jeune fille, d'un seul élan, était au milieu de la pente. Mais son pied glisse, elle tombe, elle roule, et dans un grand fracas d'éclaboussement, l'eau rejaillit sous la chute de son corps. « Suzanne !» Ce second cri de Charles, elle a eu le temps de l'entendre. Elle en a été profondément remuée, tant il exprime d'angoisse et de désespoir, et pendant qu'elle enfonce dans les glauques profondeurs, très lucidement elle pense « Il m'aime, je l'aime, je dirai oui. » Inquiète des suites de sa mésaventure, elle ne peut l'être. N'est-elle pas londine, que 2 fois, volontairement, elle a plongé sous ses eaux pour y chercher sa bague. Mais bientôt, elle s'aperçoit que ses jupes la gênent, paralysent ses mouvements. Mais elle est tombée au plus épais des herbes, et avant même qu'elle ait atteint le fond, d'innombrables liens, caressants et doux, la serrent, s'enserpentent à ses membres et se nouent autour d'elle. Vainement, elle se débat, elle est perdue.